Vous écoutez France Culture. Troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire du patrimoine à l'occasion du 100e anniversaire de la loi sur les monuments historiques de 1913. Lundi, nous nous sommes promenés dans le cœur de Paris en compagnie du spécialiste de l'urbain qu'est Olivier Mongin, qui vient d'écrire « La ville des flux, l'envers et l'endroit de la mondialisation urbaine ». Il était avec nous pour réfléchir à la place du patrimoine dans une ville comme Paris aujourd'hui. Hier, le documentaire nous a expliqué comment dans les années 70 et au début des années 80, on a cherché à patrimonialiser l'industrie qui commençait à déserter le territoire. Et demain, eh bien, nous débattrons dans le débat historiographique de cette loi de 1913 en compagnie de Marie Cornu, d'Arlette Auduc et de Nathalie Henisch. Et aujourd'hui, eh bien, dans l'émission du mercredi, émission traditionnellement consacrée aux archives, nous allons aller dans un lieu où on étudie les archives, l'École nationale des chartes. Séverine Niattard nous conduit dans l'École nationale des chartes, hébergée dans un bâtiment de la Sorbonne à Paris 5e, qui forment des conservateurs du patrimoine en compagnie de Jean-Michel Legnaud, directeur de cette école des chartes, et de Jérôme Belmont, directeur des études de cette même école. Alors nous sommes avec vous, 19 rue de la Sorbonne, devant le porche de l'École nationale des chartes. Avec vous, donc Jean-Michel Legnaud, vous êtes directeur d'études à l'EPHE, mais surtout directeur de cette fameuse École des chartes. Et avec vous, Jérôme Belmont, vous êtes vous directeur des études à l'École des chartes. Alors peut-être pour commencer, on est dans le quartier de la Sorbonne. Et en fait, cette École des chartes qui a été créée en 1821... n'a pas pris résidence ici immédiatement. Ça dit peut-être aussi le temps de l'installation, à la fois dans l'université, dans la recherche et dans ces spécialités qui vont être donc l'institution par excellence qui forme à la gestion du patrimoine, à la conservation des documents. Et on va en parler évidemment tout au long de cette balade. Alors peut-être on pourrait commencer voilà, sur l'histoire un petit peu de cette école à partir de 1821. Alors vous avez vu, nous sommes au sommet de la rue de la Sorbonne. Avec nous s'achève la rue de la Sorbonne. Après, nous avons la chapelle, puis la rue Victor Cousin. Et l'école est arrivée ici en 1896. Trois quarts de siècle exactement se sont écoulés avant qu'elle n'arrive dans au cet sommet. Emplacement. Voilà. Alors au sommet, où était-elle alors ? Lorsqu'on l'a créée, on l'a installée dans des locaux très modestes de ce qu'on a appelé à l'époque la Bibliothèque Royale, la Bibliothèque Nationale, avec pour objectif d'enseigner deux disciplines qui sont marquées d'ailleurs au fronton de la façade de la Sorbonne, la paléographie d'une part et ce qui avait trait à la philologie d'autre part, dans l'idée d'entrer en contact avec les sources qui allaient servir à la fabrication de l'histoire nationale. Mais alors pourquoi justement il fallait qu'on s'occupe de ces fameuses sources ? Parce qu'il y a la Révolution française qui n'est pas loin, et on l'aura compris, ah oui, il y a des documents qui sont en dépôt. Nous sommes à la rencontre de deux projets. D'une part, le projet d'écrire l'histoire de la nouvelle nation française, comme on dira au XIXe siècle, la nation française, un projet rassembleur, ça va être... Ça commence sous Louis XVIII, mais ça va se développer tout particulièrement avec Louis-Philippe. Mais nous avons gardé de l'ambition de Louis XVIII ce nom de Chartres. Nous sommes sous le régime de la Charte à partir de 1814. Et on considère que les documents essentiels de l'histoire de France, les sources essentielles, ce seraient les chartes médiévales. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet vient dans la foulée de ce qui avait été entrepris pendant la Révolution française, c'est-à-dire rassembler l'ensemble des archives issues de la confiscation des biens nationaux et des biens des immigrés. Donc on se retrouve avec des amoncellements de documents, souvent d'origine médiévale, qu'il faut commencer à trier, inventorier, exploiter. et on se dit qu'il faut créer une cohorte de savants qui, sous la houlette de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, servirait à précisément à rassembler les sources de l'histoire nationale. Et ce projet s'est considérablement amplifié avec Guizot, l'école répondant complètement à l'ambition historiographique de Guizot, qui a un projet d'histoire globale à partir de sources extrêmement diversifiées, qui n'auraient pas été seulement des papiers, mais des images et aussi des vestiges archéologiques. Alors vous avez parlé de cohorte, Jean-Michel Legnaud, c'est une petite cohorte au début. Toute petite. Et puis peut-être on pourrait aussi parler justement alors, de ce moment Guizot, où vont s'imposer aussi un certain nombre de disciplines bien spécifiques justement à l'école des Chartres. Ces disciplines, on a donc inventé les disciplines suivantes, la paléographie, la philologie, ce qui avait trait également à la bibliographie, considérée comme le... La bibliographie était considérée comme la source maîtresse, comme la discipline maîtresse, puisque c'est grâce à elle qu'on peut rassembler l'ensemble du savoir. La grande invention de Juillet, et ça c'est Guizot, c'est le cours d'archéologie médiévale, une science qui serait tournée non seulement du côté de l'architecture médiévale, mais aussi de l'ensemble des vestiges de la culture matérielle, dans l'idée de comprendre non seulement les formes architecturales, mais leur mode d'usage. En tous les cas, à ce moment-là, effectivement, on peut étudier la paléographie, la sigillographie, la numismatique, la philologie, le classement des archives et des bibliothèques, la géographie la historique. La diplomatique est aussi inscrite. Voilà, en haut. La paléographie, donc l'étude des documents anciens, évidemment, le système des monnaies, des mesures, l'histoire des institutions politiques de la France, évidemment, l'histoire du droit. À l'histoire alors, des institutions, je me permets de vous interrompre, parce que c'est extrêmement déterminant dans l'esprit du 19e siècle, en tout cas dans l'esprit de 1848. L'idée qui vient de chez Michelet est que les institutions correspondent exactement à l'identité des peuples. C'est ce qu'il explique à propos du monde germanique. Et donc, il faut comprendre l'évolution des institutions, et celles qui ont été précisément régénérées par la Révolution française, et qui se sont régénérées à partir de 1848. Et donc, l'histoire des institutions est conçue à l'époque comme l'histoire du progrès et de l'avènement des peuples vers la liberté. Et c'est ce que va expliquer un petit groupe d'élèves de l'école en députation en 1848 à l'hôtel de ville devant le socialiste Buchez. Il va expliquer que l'école des Chartres apprend ses institutions, l'histoire de ces institutions qui ont permis de passer de la servitude à l'ère de la liberté. Et cette génération-là, je trouve ça tout à fait extraordinaire, va contribuer à la fondation de l'école des sciences politiques après 1870. Jérôme Belmont, donc sur cette petite cohorte, on l'a pas dit, mais il y a 6-8 élèves, je crois, la première année. C'est une petite cohorte. Oui, l'école des Chartres se construit progressivement à partir de 1821, avec un petit nombre d'enseignants au départ et un petit nombre d'élèves, et progressivement, elle va prendre le visage qu'elle a à l'heure actuelle. Et 1846, c'est aussi important parce que c'est le moment où on décide qu'une thèse d'école des Chartres, un travail de recherche, va dorénavant clore la scolarité à l'école, la plaçant symboliquement dans le champ de la recherche, en le marquant avec cette thèse d'école des Chartres. Et 4 ans plus tard, en 1850, l'État va réserver un certain nombre de postes d'archivistes départementaux aux élèves de l'école des Chartres. Et là, on voit la vraie double mission de recherche et la mission professionnelle de l'école des Chartres se mettre en place de manière institutionnelle. On va toutefois rentrer pour poursuivre donc cette discussion sur... Quand l'école s'installe à la Sorbonne, elle vient non plus de la Bibliothèque royale, mais du Palais Soubise. Elle est aux archives depuis de très très longues années. Elle est dans les archives nationales. Alors nous sommes rentrés dans l'école. Nous sommes rentrés par l'une des plus anciennes portes de la Sorbonne, une dernière porte, peut-être la dernière porte subsistant du XVIIe siècle. Et donc nous sommes face au buste de Jules Quicherat, donc chartiste, et qui deviendra directeur de l'école des chartes. Alors, c'est une personnalité importante. C'est une personnalité importante et très contrastée. Bon, c'est d'abord un très grand savant qui va contribuer à fonder, comme je vous le disais, l'archéologie, qui va publier des textes majeurs, les deux procès de Jeanne d'Arc, qui a une formation initiale de peintre. Et ça va d'ailleurs lui permettre de publier dans sa jeunesse un ouvrage dans une revue à grand tirage, sous forme de feuilleton, une histoire du costume. Il est aussi le fondateur de cette discipline, l'histoire du costume. Il faut dire que dans l'esprit de l'époque, le costume est un document essentiel pour déterminer les chronologies des œuvres. Quichera est pas seulement un savant dans sa sphère, mais c'est aussi un homme politiquement engagé. Il est farouchement opposé à Napoléon III, il est républicain, d'ailleurs ça va lui coûter un siège à l'Institut, cette affaire-là, et comme il est engagé contre Napoléon III, de façon très presque passionnelle, il va s'opposer au projet de Napoléon III de fouiller Alésia. Puisque Alésia, c'est une idée de Napoléon III. Et il va soutenir, contre vents et marées, l'idée que la bataille s'est déroulée à Alèze, en Franche-Comté. Il y a encore quelques attardés qui sont partisans de ce site, mais Quichera, c'est par anti-bonapartisme, s'est engagé de façon très vigoureuse dans ce combat contre Alésia. Et puis, la République revenue, on va le voir apparaître dans les comités importants de l'instruction publique. C'est un fils du peuple. Il est issu des milieux d'artisans. Et ces artisans sont en contact direct avec des gens avec l'élite sociale. Parce que, justement, on pourrait parler à cette occasion du recrutement social. Il y a l'idée quand même, qui est véhiculée assez longtemps, que le recrutement social de l'école des chartes, c'est plutôt un recrutement de gens assez riches, parce que notamment, il y a un traitement, on reçoit un traitement, on est payé quand on rentre à l'école des chartes, mais c'est un petit traitement, et puis que ce sont un peu des jeunes fils de bonne famille qui viennent ici passer le temps et faire de la recherche tranquillement. Alors, dès le départ, je n'ai pas des idées très précises là-dessus, mais dès le départ, on a prévu un statut de boursier pour un certain nombre d'élèves, ce qui signifie bien qu'au contraire, il n'était pas question que de recruter des gens issus de catégories sociales qui auraient permis de pouvoir... On a prévu des boursiers. Je crois que c'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, à la fin de la Restauration, l'école ne fonctionnait plus très bien, parce qu'on n'a pas dû renouveler le système des bourses. Les études à l'école, contrairement à ce qui se passait à l'école normale supérieure, ne faisaient pas l'objet d'une assiette financière, ce qui a conduit peut-être à des recrutements issus des catégories supérieures de la population. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on n'est plus là depuis pas mal d'années. Dans les années 60, on a créé un statut qui a permis de démocratiser complètement le recrutement. Et c'est-à-dire un statut d'élève fonctionnaire stagiaire. Alors là-dessus est arrivée la critique à la manière de Bourdieu, qui a consisté à dire que les écoles rémunérées étaient un mode d'auto-reproduction des élites. Nous avons pu constater que les chiffres prouvaient le contraire, puisque cette année c'est un peu différent, mais jusqu'à l'an dernier, nous avions plus d'un tiers de recrutement qui était provenait de boursiers. Et Jérôme Belmont, alors, parce qu'on n'a pas parlé au tout début de la création de l'école. En fait, oui, je crois qu'à un moment donné, tout étudiant peut entrer à l'école, mais au bout d'un an, il y a une sélection. Et là, il y a une sélection assez, assez rude, puisque je crois qu'il y en a 20 qui restent finalement à l'école des chartes et pour poursuivre leurs études. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, était conçue une première année qui était une année en quelque sorte de formation, qu'on appellerait maintenant une classe préparatoire. Actuellement, c'est un système de classe préparatoire en lycée. C'était une propédeutique qui était intégrée effectivement dans la scolarité de l'école. Et la sélection se faisait au terme de cette première année pour conserver les gens qui allaient, la dizaine au départ d'élèves qui allaient prétendre au diplôme en fin de scolarité, au terme des 2 ans supplémentaires de scolarité. Et aujourd'hui, alors, comment on rentre à l'école des chartes ? On rentre par un système de, qui juxtapose plusieurs concours. Un concours qui recrute à partir des humanités classiques, le latin sans dictionnaire et une étude sérieuse de l'histoire sur une très très longue période. Un deuxième concours qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui la banque des preuves littéraires et qui est un concours commun aux écoles normales supérieures, à certains IEP et à l'école des chartes, avec des spécificités bien entendu pour l'école des chartes. Et puis intervient un troisième concours qui permet d'accéder directement sur dossier et sur entretien en deuxième année. Alors Jean-Michel Legnaud, nous sommes sortis en fait de l'école des chartes pour arriver dans la cour de la Sorbonne. Donc, oui. Ce qui dit aussi qu'il y a vraiment des passages dès le départ entre justement l'école des chartes et l'université. Oui, d'abord il faut rappeler que la Sorbonne était construite par Nénot. Nénot, c'est un élève de Charles Garnier. Et c'est à l'époque un très très jeune architecte. Il n'a pas 30 ans lorsqu'il conçoit ce projet, qu'il est chargé du chantier. C'est absolument extraordinaire. Et alors, son idée, c'est de reconstruire la Sorbonne comme avant, mais en plus grand. C'est la raison pour laquelle il a laissé quelques éléments de l'ancienne Sorbonne. Et le problème consistait à joindre les nouveaux bâtiments et la chapelle, qui naturellement n'allait pas être détruite. Alors, il a prévu... Et c'était logique dans l'esprit du temps de constituer le pavillon qui jouxtait la chapelle comme le lieu de la faculté de théologie. C'est-à-dire que ce bâtiment, nécessairement, il était lié à la Sorbonne en tant que compartiment disciplinaire et il devait être lié évidemment à la chapelle. Bon, la faculté de théologie n'ayant pas été installée puisqu'elle était supprimée en 1885 avant même d'avoir été installée dans la Sorbonne, le bâtiment est devenu vacant pour être mis à disposition d'une institution qui était dans la Sorbonne sans être comprise dans l'institution elle-même. Nous avons gardé le bénéfice de l'ouverture vers la Sorbonne proprement dite. Encore qu'à certaines époques, l'école ait préféré fermer la porte à clé et se tenir à l'écart de ce qui se passait dans ce qui était appelé la maison d'en face. Mais il semble, Jean-Michel Legnaud, que dans l'histoire de cette école, c'est sans arrêt ce mouvement d'aller et retour. C'est-à-dire, on fait partie de l'université, on est proche de la recherche scientifique comme à l'université, mais en même temps, on est une grande école un petit peu à part, on recrute différemment que l'université, on professionnalise, on donne une formation professionnalisante, mais à la fois quand même de recherche. Enfin, dans toute l'histoire de l'école des chartes, il y a ce mouvement permanent, il me semble. Alors, peut-être jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui fait d'ailleurs la position singulière et assez forte de l'école, c'est que à aucun moment, elle ne s'est trouvée en conflit avec l'université. Ce n'est pas une rivale de l'université, elle en est proche. Un certain nombre des élèves qu'elle forme va vers l'université, mais à aucun moment, l'école n'a pu, en raison du fait qu'elle avait une vocation professionnelle clairement identifiée, à aucun moment, l'école, dans la Sorbonne, n'a pu être considérée comme une institution rivale de quelque département que ce soit de la Sorbonne. Jérôme Belmont, et aujourd'hui, vous qui êtes directeur des études, comment est mis en place justement cette position, cette posture un peu particulière de l'école des chartes ? Alors, l'école est, comme par le passé, peut-être plus que dans le passé, complètement intégrée dans le tissu universitaire. À l'occasion des dernières réformes mises en place par le gouvernement, les différents gouvernements visant à réunir dans de grands ensembles universitaires des grandes écoles, des universités, l'école des chartes a pris sa part et s'est rapprochée d'un certain nombre d'établissements parisiens dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur, le Pré-Sésame. Donc l'école des chartes est à part entière, si j'ose dire, membre de l'université comme les grandes écoles. Et par ailleurs, elle maintient ses liens étroits avec les milieux professionnels auxquels elle prépare ses élèves. Et de ce point de vue, le futur déménagement de l'école des chartes qui va revenir rue de Richelieu, dans d'anciens locaux libérés par la Bibliothèque nationale de France, est un signe de cette double tension qui a toujours animé l'École des Chartes entre formation scientifique et formation professionnelle, qui constitue le cœur de l'École des Chartes. Et elle sera du coup d'ailleurs en face de l'École du patrimoine ? Elle se rapproche effectivement de l'Institut national du patrimoine, de l'École du Louvre aussi, avec lequel elle entretient des liens étroits, de l'Institut national d'histoire de l'art, et va se reconstituer dans ce quartier Richelieu, autour du jardin du Palais-Royal, un pôle universitaire d'ampleur internationale autour de l'histoire de l'art et du patrimoine. Retour dans votre bureau. Alors on entend le parquet craquer, effectivement, nous sommes dans votre bureau, Jean-Michel Legnaud, le bureau du directeur. Donc en boiserie magnifique, des étagères d'ouvrages. Et puis le buste de Louis XVIII qui rappelle la date de la création de cette école. Il faut dire que l'école est encore l'une des parties les plus authentiques de la Sorbonne, qui a le moins souffert des aménagements ultérieurs. Là, nous sommes dans une pièce qui correspond véritablement à ce que Nénot avait imaginé. Même les poignées de porte sont encore d'origine. Partout ailleurs, la plupart des endroits de la Sorbonne, les poignées de porte ont disparu. Mais on a ces armes de la Sorbonne qui sont très curieuses, qui représentent une main qui sort des nuages, tenant la charte avec une couronne royale, et qui était encore en usage en 1880. C'est assez étrange, la couronne royale. Donc on est dans un endroit qui est encore, comme on dit, bien dans son jus, dans lequel on trouve la réserve de la bibliothèque, un ensemble d'ouvrages anciens qui ont été donnés sous le Second Empire pour faciliter l'approche des livres anciens par les élèves dans le cadre d'un cours d'histoire du livre, qui est une des grandes spécificités de l'école, dans le but de former les futurs conservateurs des bibliothèques aux ouvrages rares que l'on trouve dans les réserves des bibliothèques, aux livres anciens. Et puis, que trouve-t-on encore dans ce bureau ? Un buste qui, en fait, un buste de Louis XVIII, le fondateur de l'école, qui appartient au Musée de France et que le Louvre nous a prêté. Nous avons aussi une œuvre de Frémier, réduite par Monduit, le grand fondeur en cuivre qui a réalisé devant Orsay, le musée d'Orsay, les rhinocéros et autres éléphants que vous connaissez. Et il s'agit de Jeanne d'Arc. C'est un cadeau qui a été fait à Quichera au moment de son départ pour saluer l'œuvre du savant éditeur des deux procès de Jeanne d'Arc. Et puis, alors Jean-Michel Legnaud, juste, il y a une petite vitrine aussi, toute proche de votre bureau. Il y a des médailles. Je ne sais pas si c'est des médailles qui concernent... Alors d'abord, tout se trouve dans un grand meuble néo-renaissance dont l'auteur reste inconnu malgré nos efforts pour en chercher l'identité. C'est un cadeau de la marquise Arconati Visconti à l'école qui a doté la Sorbonne, l'école pratique des hautes études, de nombreuses ressources, qui a créé de son argent l'Institut d'art de la rue Michelet. Alors dans la vitrine, on trouve notamment la Légion d'honneur de l'école, pour saluer l'héroïsme de ses élèves et anciens élèves pendant la guerre de 14-18. L'école a été très, très durement saignée. Alors, puisqu'on parle un petit peu de la question de la guerre de 14, peut-être revenir sur la question politique à l'école. On n'a quand même pas parlé d'une affaire importante, qui est celle de l'affaire Dreyfus, qui est un enjeu assez primordial de l'école des Chartes, puisqu'il va y avoir deux camps, les Dreyfusards, les anti-Dreyfusards. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un professeur à l'école, le professeur d'archéologie médiévale, celui qui a été choisi par Quichera pour lui succéder, qui lui est monarchiste. Enfin, il est monarchiste, il est orléaniste. C'est Robert de Lastérie. Et en fait, la famille Lastérie, qui descend de Lafayette, caractérise plutôt la branche libérale. Et tous les autres sont, sauf exception, sont partisans de l'innocence de Dreyfus. Et alors, ils vont trouver une occasion en or pour manifester certaines de leurs théories. La constitution de la science paléographique en science destinée à la nation, hein, la fameuse expertise du bordereau. Et alors, certains archivistes, l'archiviste de Versailles, va considérer que le bordereau a bien été écrit par Dreyfus, et tous les autres, Paul Meyer qui dirige l'école, Giry qui est professeur de diplomatique, vont démontrer que le bordereau est un faux. Et par cette expertise, l'école s'est inscrite dans l'actualité de l'affaire Dreyfus, au moment même où elle s'inscrivait aussi dans l'actualité scientifique. Elle démontrait son utilité sociale. Et c'était évidemment extrêmement important pour elle, pour démontrer que les études, les plus sévères études historiques, pouvaient servir aussi à une vie citoyenne. C'est au moment où, évidemment, l'école positiviste aussi est en pleine, se déploie pleinement avec Langlois, Seignobos. Donc, on est dans une nouvelle science historique qui a ses méthodes, qui a ses règles d'études de documents, grâce à l'archéologie également. Peut-être ce moment positiviste va revaloriser justement l'école. C'est le moment où les théories positivistes qui sont en germe depuis le Second Empire sont désormais incontestables et incontestées, et l'école apparaît à l'époque, avec l'école des hautes études, beaucoup plus que la Sorbonne, comme le lieu même où s'enseignent ces disciplines positivistes. Jérôme Belmont, on parle ici du moment positiviste où l'école est à la lumière, hein, au niveau de la recherche scientifique. Ça ne va pas toujours être le cas si on monte un peu dans le temps, et je pense aux années 30, où à ce moment-là, par contre, l'école ne va pas prendre le pas d'une autre école historiographique qui est celle, par exemple, des annales, où là, elle va mettre un certain temps, justement, à réfléchir sur les méthodes de l'historien, donc avec l'école des annales, donc Marc Bloch et, par exemple, Lucien Febvre. L'école des annales s'est construite très largement en opposition à l'école positiviste, et l'école des chartes était au cœur de cette école méthodique positiviste qu'elle a construite à la fin du XIXe siècle à l'université. Ça a pu aussi recouvrer des oppositions politiques. Dans les années 30, l'école des chartes était plutôt à droite. Charles Maurras avait une influence importante sur les pentes de la Sorbonne dans ces années-là. Et l'école des chartes, même si les choses étaient très, très mélangées, ici comme ailleurs, était clairement classée à droite, était une école plutôt relevant du mouvement conservateur en termes politiques. Et donc, par rapport à l'école des annales, forcément, il ne pouvait y avoir qu'une rupture, à la fois au point de vue épistémologique, et aussi en partie sur des aspects idéologiques et politiques. Il y a cette idée que l'école des chartes, c'est l'érudition, c'est le savoir encyclopédique, et ce savoir-là est plutôt à droite, alors que l'histoire est plutôt à gauche. Enfin, il y a cette idée comme ça qui est véhiculée, mais qui est peut-être à modérer. En fait, ces choses doivent être nuancées très sérieusement. Il y a une opposition très forte entre Lucien Febvre et un chartiste qui s'appelle Marcel Poète, qui enseigne à l'école pratique des hautes études l'histoire de l'urbanisme, et qui fonde l'histoire de l'urbanisme, qui aurait reconnu pour avoir fondé l'histoire de l'urbanisme. Et manifestement, on assiste à un conflit d'impérialisme. Entre écoles. Febvre veut récupérer cette problématique englobante qui est l'histoire de la ville. Et qu'est-ce qu'il va reprocher à Poète dans ses premiers travaux ? C'est de produire des livres dépourvus de notes infrapaginales. Je trouve ça absolument succulent, si vous voulez. C'est qu'il va reprocher à quelqu'un qui représente l'école positiviste de ne pas adopter les méthodes de présentation scientifique qui sont ceux de l'école positiviste et que lui-même n'applique pas. Alors, ça montre que le problème est ailleurs. Moi, je crois qu'il y a le projet... il faut tenir compte du fait que deux générations... sont en conflit pour se disputer un territoire. Bon, le territoire va être emporté par l'école des annales. Par l'école des annales. qui ouvre l'histoire sur la question sociale. Enfin, c'est un des points essentiels. Oui, mais les chartistes le faisaient aussi. Si vous prenez Émile Cornart, il a travaillé sur l'histoire des corporations. Plus tard, vous avez Bertrand Gilles qui a travaillé sur l'histoire des banques et l'histoire des techniques. Toutes ces questions ont été aussi abordées par des historiens qui n'étaient pas des annales. On poursuivra cette discussion peut-être avec vous, Jérôme Belmont, sur justement la question de la thèse et des sujets de thèse qui ont été très bien analysés au cours des temps et qui disent justement les sujets, sur quels sujets les chartistes travaillent et comment ils y travaillent jusqu'à aujourd'hui, hein, en fait. Donc on va peut-être aller dans cette salle de cours. Montons. Qu'est-ce que vous enseignez aujourd'hui, vous, Philippe Plagneux, dans ce cours ? Alors, mon cours, ici, je fais sur les 3 ans donc un cours d'histoire de l'art du Moyen-Âge et que je suis chronologiquement d'année en année. Donc là, je suis devant les 3e années et je leur enseigne l'art gothique. Et là, plus particulièrement aujourd'hui, en ce moment, la naissance, le début de la sculpture gothique. C'est un enseignement essentiel, et d'ailleurs il est tellement essentiel que l'histoire de l'art du Moyen-Âge s'est créée ici même à l'école des Chartes. C'est-à-dire que la première fois où on enseignait l'histoire de l'art comme une discipline scientifique, elle s'est faite ici avec mon lointain prédécesseur qui était Jules Quichera en 1848. L'enseignement de l'histoire de l'art comme discipline est rentré à l'université extrêmement tard, à la toute fin du 19e siècle et presque 50 ans avant, donc pour la première fois en France et en Europe, c'est ici qu'on a enseigné l'histoire de l'art. Donc un enseignement lourd de tradition et donc essentiel, structurel même à cette école. Pendant très longtemps, il n'y a eu qu'une seule chaire qui a privilégié le Moyen-Âge. Les choses ont un tout petit peu évolué déjà avec Jacques Thirion qui lui a même... S'il enseignait le Moyen-Âge, a donné des sujets de thèse qui allaient au-delà du Moyen-Âge. Et puis son successeur, Erland Brandenburg, a eu cette audace, on a envie de dire, de diviser, de fractionner comme ça sa chaire pour qu'on puisse enseigner l'histoire de l'art depuis le IVe siècle et aller jusqu'au XXe siècle, jusqu'à l'art contemporain. Donc ça, c'est une évolution qui s'est faite dans les 20 dernières années. Alors... Puisqu'on est dans la salle de cours, je m'excuse alors d'interrompre juste 5 minutes de plus votre cours, Philippe Plagneux, parce que bon, c'est une salle un petit peu particulière, Jean-Michel Legnoux, cette salle de cours. C'est précisément cette salle qui a déterminé l'école à accepter de s'installer ici. Enfin, je présume qu'elle était en soi, elle était contente de venir vers la Sorbonne, mais cette salle avec son double éclairement... Alors pourquoi son double éclairement ? Parce qu'on fait de la paléographie ici. A été jugé particulièrement apte à permettre l'étude des documents paléographiques. Et on a conçu un mobilier en fonction des documents paléographiques qu'il s'agissait de lire. Ces tables qui sont d'une largeur inusitée, et ce qui fait qu'il y a finalement pas tellement de place dans cette salle, mais qui permettait de... présenter aux élèves, c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, les facsimilés de documents du Moyen-Âge, surtout du haut Moyen-Âge, de très très grandes dimensions. Alors on pourrait juste aussi peut-être parler sur le fond de cette salle, il y a donc une représentation de l'ancienne abbaye de Saint-Germain-des-Prés, voilà. Et ce n'est pas du tout un hasard. Bien entendu, c'est-à-dire que quand les jeunes promotions arrivent, elles sont saluées d'un côté par le monument aux morts, où l'on voit une cinquantaine d'élèves qui sont morts pour la patrie. Ça leur indique dans quel état d'esprit ils doivent se trouver. Ça leur conforme à certaines idées de service public. Et puis, lorsqu'ils repartent, ils contemplent Saint-Germain-des-Prés et ils ont évidemment nécessairement en tête les anciens moristes qui avaient voué toute leur passion, les plus terrestres, à l'étude de la science. Et ça fait référence aussi à Mabillon, à la diplomatique, à une méthode, à bien une sûr, méthode d'étude oui, oui. De documents. C'est ça. Ben oui, la science des moristes. Écoutez, merci à vous. Donc, retrouvons à peu près le cours des choses et des explications. Donc, en dessous, nous étions à l'étage de l'administration, le directeur, son secrétariat et le secrétaire de l'école, l'antichambre. Et ici, nous sommes à l'étage des cours. Comme l'administration s'est développée, il a bien fallu convertir une salle de cours en bureau, de façon très très maladroite, et nous avons reporté les salles de cours dans d'autres parties de la Sorbonne que le rectorat nous a prêtées. Et donc là, nous allons monter à la bibliothèque. Voilà, mais en réalité, vous avez remarqué, nous montons effectivement à la bibliothèque, mais nous sommes dans la bibliothèque depuis longtemps, puisque des livres, il y en avait dans le bureau du directeur, il y en a partout, il y en a ici. Il n'y a pas une simèse qui ne soit convertie en bibliothèque. L'essentiel du travail du chartiste, c'est de lire. De lire et encore de lire, et puis évidemment d'écrire, de faire son travail de recherche, cette thèse. Enfin, certains anciens chartistes en témoignent, comme Jean Favier, qui dans ses souvenirs dit « Enfin, libre, j'avais que quelques heures de cours finalement par semaine, et l'essentiel de mon labeur consistait à lire à la BNF, lire à la Bibliothèque des Chartes, choisir le sujet que je souhaitais, et ensuite voilà, faire de la recherche. » Pour un jeune de 20 ans qui arrive à l'école après avoir été confronté à 2 ans, sinon plus, de classe préparatoire et qui n'a jamais eu l'occasion de lire beaucoup de livres en dehors de ceux qui lui étaient imposés pour le programme, pour la première fois, ce jeune se trouve en présence de 150 000 à 200 000 volumes qu'il peut toucher directement du doigt, sortir des rayons, puisqu'on est en accès direct. Et évidemment, je ne vais pas dire que ce jeune se convertisse en l'autodidacte de la nausée, mais il a la possibilité de feuilleter un nombre considérable d'ouvrages. Peu de lieux sont ainsi organisés dans Paris, l'école normale supérieure, mais l'école des Chartes avait un statut singulier à ce propos. Et donc on va monter dans votre bibliothèque, dans la bibliothèque de l'école des Chartes. Vous avez quelques élèves là, il faudra les interroger. Bonjour. Donc là, vous travaillez en bibliothèque. Oui. Et vous êtes en quelle année alors ? Je suis en troisième année. J'ai une formation d'historien du droit. Et je suis venu à l'école des Chartes pour acquérir une formation d'historien, quoi, compléter ma formation d'historien, qui était une formation essentiellement pratique. Et ici, j'acquiers des éléments pour les sciences auxiliaires de l'histoire. Et je passe actuellement l'agrégation des facultés de droit en histoire du droit, donc pour essayer de devenir professeur des universités. Et également, je vais faire la campagne de recrutement pour la maîtrise de conférence cette année, donc pour essayer d'avoir donc, destiné à la recherche, à l'enseignement voilà. En université. Exactement. Je crois que moi, j'ai toujours voulu faire conservatrice de musée, depuis que c'est le premier projet professionnel que j'avais. Et du coup, voilà, après le bac, je me suis orientée vers une classe préparatoire littéraire tout d'abord. Et... En troisième année, j'ai décidé de passer le concours de l'école des Chartes que j'ai eu. Et donc, je poursuis ma scolarité jusqu'à passer le concours de conservateur du patrimoine à la fin de cette année. À la fin de cette année. Oui. Et donc, et après, vous aurez combien d'années d'études, justement, après l'école du patrimoine, c'est un an et demi. Un an et demi. Ouais. Donc. Puis après, normalement, on a un poste à la sortie de l'école. Bonjour. J'ai toujours été assez attirée par le monde du patrimoine. En fait, vers l'âge de 15 ans, j'étais plus intéressée par les monuments historiques. Et en prépa, je m'étais dit, les archives, pourquoi pas, ça a l'air très intéressant. Et en fait, après être entrée à l'école, je suis revenue sur mon premier projet vers les monuments historiques. J'ai passé cet été le concours des conservateurs du patrimoine. Donc, j'ai été admissible et là, j'essaye de terminer le plus vite possible ma thèse pour pouvoir préparer les oraux. Qui porte alors votre thèse ? Sur le culte et l'iconographie de la nativité de Saint-Jean-Baptiste entre le XIIIe et le début du XVIe siècle. D'accord, merci. Donc ici aussi, il y a de jeunes étudiants qui sont donc à la bibliothèque. Une grande part de leur temps, Jean-Michel Legnaud, consiste à effectivement lire. C'est une bibliothèque qui a un fond absolument fabuleux, je crois, au niveau des ouvrages, des revues. C'est un fond important. On ne peut pas dire que ce soit un fond quantitativement considérable. Si vous comparez à la bibliothèque universitaire de Göttingen, par exemple, où il y a 6 millions d'ouvrages, nos 150 000 à 200 000 livres ne font pas le poids. Par contre, ce sont des ouvrages qui sont parfaitement choisis. Spécialisés au départ dans l'histoire du Moyen-Âge. Bon, aujourd'hui, l'histoire s'est considérablement étendue d'une part. Et les sources aussi, ainsi que leurs supports, jusqu'au support électronique, se sont considérablement développés. Donc, bien entendu, ce dessin initial de la bibliothèque, c'est développé. Mais le projet, c'est d'avoir ici des livres rassemblant des sources et concernant essentiellement l'histoire de France. Alors, pas dans un dessin nationaliste ou hexagonal, mais parce que, de facto, en raison des professions vers lesquelles s'orientent les élèves, les conservateurs d'archives, conservateurs des bibliothèques, il est nécessaire de privilégier les sources qui concernent l'évolution de la société, de l'État et de la nation en France. Alors justement, sur cette question de l'histoire de France, on avait commencé à aborder les différentes thèses qui avaient été faites à l'École des Chartes depuis sa création. Avec vous, Jérôme Belmont, il y a une évolution, à la fois dans les sujets, mais dans les années 90 encore, il y avait très peu de thèses qui étaient faites sur l'histoire, par exemple, étrangère à l'École des Chartes. Alors, la thèse d'École des Chartes reflète à la fois l'évolution historiographique générale et les spécificités de l'école. Une des spécificités de l'école a été très longtemps le poids du Moyen-Âge, qui a d'ailleurs joué dans l'opposition aussi de l'École des Annales, qui reprochait à l'École des Chartes de guère aller au-delà de 1492. Donc, les thèses d'École des Chartes ont très largement, et encore, c'est encore le cas aujourd'hui, porté sur la période médiévale. Ceci dit, elles se sont très largement ouvertes aux plus contemporains, puisque je crois qu'à l'heure actuelle, un élève fait une thèse sur la commercialisation des jeux vidéo dans les années 80 en France. Donc, de ce point de vue, tout le champ chronologique est traité. Alors, c'est vrai que des conditions matérielles très pratiques qui font qu'une des spécificités de la thèse l'École des Chartes est de reposer sur des sources inédites qui imposent d'aller consulter des documents en archive, par exemple, qui n'ont été pas vus ou peu vus et qui rend l'élaboration de thèses sur des territoires autres que la France difficile pour des questions matérielles. Il faut aller à l'étranger. On est dans un exercice en temps limité de 2 ans. Si vous avez beaucoup de sources à dépouiller en Europe ou même au-delà, ça prend du temps qui est difficilement compatible avec le temps de la scolarité. Donc malheureusement, il y a cette condition pratique qui freine l'élargissement des problématiques de recherche à des territoires autres que la France. Mais pas plus tard que l'année dernière, il y avait une thèse d'histoire contemporaine qui portait sur un artiste anglais qui a impliqué des dépouillements à Oxford et à Cambridge. Donc avec les mobilités Erasmus, on arrive maintenant à envoyer les étudiants travailler sur des sujets à l'étranger. Jean-Michel Legnaud, sur cette question. Oui, en plus, il faut ajouter que historiquement, ce n'est pas exact de dire que les thèses sont consacrées à l'histoire nationale. J'ai observé qu'il y avait un gros paquet de recherches qui se sont tournées vers l'Afrique du Nord. Très tôt, il y a eu des arabisants. J'ai compté une dizaine de chartistes qui sont allés en Indochine et qui ont contribué au développement des archives et des bibliothèques en Indochine, par exemple la sœur de Saint-Exupéry. On a eu des sinologues, des indianistes. Des indianistes, je crois plutôt. Mais non, les sinologues aussi. Madame Elisaef était sinologue. Des hispanophones, des spécialistes de l'Amérique latine également. Donc, bien sûr, ce sont des petits nombres, mais ces petits nombres sont dus aux petits effectifs de chaque promotion. Mais en fait, nous ne couvrons pas que l'histoire nationale, même si c'est la vocation initiale et Et cette thèse de l'École des Chartes, elle équivaut à une thèse de troisième cycle. Comment ce diplôme en fait est considéré en fait dans le milieu de la recherche? Parce que les débouchés après, donc on va en parler, soit sont professionnalisants dans le sens de la conservation, des métiers du patrimoine, des bibliothèques, soit en direction de l'enseignement ou de la recherche, le CNRS ou maître de conférence dans les universités. Alors, cette thèse d'École des Chartes n'a quasiment pas changé depuis son origine en 1846, à une époque où le schéma européen, licence, master et doctorat, n'existait pas. Donc cette thèse se trouve quelque peu à part dans le schéma européen actuel. Si on devait la positionner, c'est effectivement l'équivalent de ce qu'étaient les thèses de troisième cycle il y a quelques décennies, c'est-à-dire que c'est mieux qu'en mémoire de master à l'heure actuelle. Ce n'est pas tout à fait une thèse de doctorat, même si les meilleures d'entre elles pourraient tout à fait soutenir la comparaison avec des doctorats. Donc un des chantiers actuellement de l'École des Chartes, dans ce schéma européen universitaire, c'est de faire converger cette thèse d'École des Chartes vers le doctorat. Et d'ailleurs, depuis 4 ans, l'École des Chartes est habilitée à délivrer le doctorat. Même si, réglementairement, la détention du doctorat n'est pas une condition de recrutement pour les carrières de conservateurs du patrimoine ou des bibliothèques en France, c'est le standard international. À l'étranger, les conservateurs sont tous docteurs. Donc nous devons, avec les établissements publics français qui participent à la formation des conservateurs, tendre vers ce schéma international qui est de former des conservateurs qui sont des docteurs. Et nous-mêmes poussons nos étudiants à prolonger leur thèse École des Chartes dans le cadre d'un doctorat en partenariat avec les collègues universitaires. En tous les cas, l'École des Chartes assure un débouché. Vous avez 150 élèves, je crois, Jean-Michel Legnaud, aujourd'hui, à 95%. Il y a un débouché professionnel. En fait, non. Les effectifs sont 260, mais qu'on cumule les élèves fonctionnaires, les étudiants en master et les doctorants. Ça fait 80 élèves fonctionnaires. Donc ces élèves fonctionnaires ont un débouché réel, mais momentané. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils passent le cap des écoles d'application ou qu'ils passent d'autres types de concours. À cet égard, c'est assez singulier que les élèves de l'École des Chartes doivent passer des concours pour les écoles d'application. La situation n'est pas la même à l'École Polytechnique où on passe de façon fluide d'X à Pont ou à Mines, suivant le rang de classement. Cette situation qui existait encore il y a quelques années a disparu en raison de l'organisation des écoles d'application en différence avec l'école. Jean-Michel Legnaud, dans l'histoire de l'école, on voit souvent que les années 90 sont assez fondamentales parce qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements enfin, au niveau des enseignements, une modernisation. La décennie 90 se singularise par le fait que le patrimoine est omniprésent dans les médias et dans la société. Donc les jeunes sont très intéressés, entendent parler de cela très tôt dans le cadre de leurs études au lycée, sont intéressés par cela et se précipitent vers ces carrières qui sont tout d'un coup mises au premier plan de l'actualité. Et puis à cette époque-là, l'école a bénéficié d'une circonstance extrêmement positive. Les effectifs des promotions ont été multipliés par 2. On est passé de 20 à 40. Et on a craint que ça introduirait une déperdition de qualité. L'effet était tout à fait différent, bien au contraire, comme toujours. C'est-à-dire que ça a suscité une émulation intellectuelle comme jamais l'école n'en avait connue. Et ça a permis de renouveler considérablement des quantités de choses, les disciplines, le champ des thèses. Et alors après, le problème a été de gérer le reflux quand le ministère de la Culture ou l'enseignement supérieur ont considéré qu'il fallait diminuer le nombre de postes, en particulier côté culture aux archives, diminuer le poste d'entrée aux archives. Et là, il a fallu gérer un flux qu'il a fallu faire décroître progressivement jusqu'à une certaine récession qui est celle que nous connaissons actuellement. Jérôme Belmont, un dernier point sur aujourd'hui les ouvertures de l'école ou les projets. Peut-être c'est l'international aussi, davantage de contacts, je crois, avec les institutions à l'étranger. Alors effectivement, c'est de permettre à l'ensemble de nos étudiants de voyager plus en Europe. On évoquait le cas des thèses portant sur l'étranger. C'est aussi une ouverture sur le numérique. L'école des Chartes a ouvert un master il y a 6 ans dédié à la diffusion par Internet des contenus patrimoniaux. L'enjeu des archives électroniques, comment va-t-on faire pour conserver l'ensemble des bases de données, l'ensemble des mails, l'ensemble de l'information qui n'existe que sous forme numérique que nous produisons, comment pourra-t-on garantir que dans 100 ans, on pourra encore accéder à ces futures sources historiques? Donc là, il y a un enjeu aussi important pour l'école des Chartes. Donc c'est ces deux aspects, c'est à la fois continuer dans cette tradition scientifique et professionnelle, en l'adaptant aux exigences du monde moderne, plus ouvert sur l'étranger, et où le numérique prend une part prépondérante. Alors vous venez de voir les lieux dans lesquels nous sommes actuellement, mais à compter du mois de juillet, en tout cas septembre 2014, une grande partie de l'école ne sera déjà plus là, ne sera plus dans la Sorbonne, puisque nous serons rue de Richelieu, en deux sites différents. Vous voyez la jonction congénitale des cours et de la bibliothèque n'existera plus. Nous aurons d'un côté de la rue, dans le quadrilatère de la Bibliothèque nationale, de notre propre bibliothèque, avec une entrée séparée tout en disposant d'une fluidité avec la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Mais les cours seront dans un autre bâtiment installé de l'autre côté de la rue. Et en 2016, en principe, la présence de l'école des Chartes dans la Sorbonne ne sera plus qu'un souvenir. Et qu'est-ce qu'il y aura à la place de l'école des Chartes? Vous savez, Jean-Michel Legnoux? Seul le recteur doit le savoir, s'il le sait déjà. On reviendra vous voir, peut-être, dans vos nouveaux locaux. Bon, en tous les cas, merci beaucoup à vous, Jean-Michel Legnoux et Jérôme Belmont, merci de nous avoir accompagnés. D'être venus jusqu'à nous. Voilà, dans cette balade dans l'école des Chartes. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marcet. La prise de son était assurée par Yves Lehorse et la réalisation par Anne Fleury. Demain, nous terminons notre semaine consacrée à l'histoire du patrimoine en nous interrogeant sur cette loi de 1913 sur les monuments historiques, loi donc centenaire désormais, en compagnie de Marie Cornu, d'Arlette Auduc et de Nathalie Henisch. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur nos pages www.franceculture.fr. Vous pouvez également écouter l'émission pendant 1000 jours et la télécharger pendant 1 an après sa diffusion. À demain.